Chapitre 7e. L'isba de Savélie se remplit bientôt. C'était une cabane spacieuse. Les murailles enfumées, fermées de rondins de sapin, étaient garnies de bancs de bois polis par l'usage. Une lampe brûlait devant les images consacrées qui occupaient le coin d'honneur. Assis au-dessous, en sa qualité de chef de famille, Savélie accueillait ses hôtes avec le regard assuré des meilleurs jours. Nul ne se fut douté que, par un mot du maître, sa destinée venait de changer du tout au tout. Les femmes ne partageaient pas son assurance. Elles formaient un groupe éploré autour de Fédosia. Celle-ci, fiancée au jeune homme depuis quelques semaines, était à la veille de son mariage. Il ne fallait plus que la permission du Seigneur, et sur ce chapitre, Bagrianov se montrait débonnaire. Il aimait les mariages et les nombreuses nichées d'enfants. À la vérité, son domaine n'y gagnait pas grand-chose, car ses paysans étaient si misérables qu'ils n'élevaient pas jusqu'à l'âge d'homme un enfant sur quatre. Mais le maître n'en contemplait pas moins avec satisfaction chaque nouveau couple qui venait implorer son consentement. Voici maintenant que tout était changé. Savélie soldat pouvait à la vérité emmener sa femme. Cela n'était pas un obstacle. Les femmes de soldats acceptaient volontiers ce genre de vie. Mais à présent que Savélie l'avait irritée, Bagrianov permettrait-il le mariage? C'était au moins douteux. Et la pauvre fille se désolait, car elle aimait son fiancé de toute la force de son cœur ignorant et naïf. Le jeune homme n'avait guère de soucis de ses craintes. Son parti était pris, car depuis l'enfance il haïssait Bagrianov. Il n'avait pu se contenir en le voyant humilier ses frères et lui-même à plaisir sous la bise glacée. Mais sa haine et son mépris étaient aussi vieux que lui. Depuis la mort de son père et même auparavant, il avait vu le ressentiment du Seigneur provoqué par une cause si futile qu'on ne s'en souvenait plus s'abattre sur sa maison et frapper un à un les hommes valides. Dans une de ses courses à la ville, où il allait plusieurs fois par an acheter quelques menus objets de ménage, il avait rencontré un colporteur, paysan d'un village voisin. Celui-ci, né sur le territoire de la couronne, était beaucoup plus libre d'opinion et d'allure que les serfs appartenant à un particulier. Depuis longtemps déjà, l'État avait laissé une demi-indépendance à ceux qui relevaient directement de ses domaines. Ce paysan avait communiqué ses idées libérales au jeune homme, déjà exaspéré par la tyrannie de Bagrianov. « Quand tu en auras assez, frère, » lui dit un jour le colporteur, « tu n'as qu'à te sauver, viens me trouver, je te donnerai asile et je ne te trahirai pas. »« Oui, » répondit Savélie, « et puis le lendemain la police me traquera et l'on me prendra chez toi. Tu seras ruiné et mis en prison pour m'avoir secouru. Vois-tu d'ici le maître remettant la main sur moi? Ça serait lui faire trop de plaisir, vraiment. »« Non, » dit tout bas le colporteur, « mon frère, que j'avais emmené dans un voyage à la foire de Nijni Novgorod, est mort là-bas. Les autorités ont oublié de me redemander son passeport. À quoi bon le passeport d'un homme qui est sous terre? Mais moi j'ai pensé que cela pouvait servir. J'ai dit chez nous au village que nous avions tiré chacun de notre côté. On ne s'inquiète pas de nous autres, pauvres diables. D'ailleurs, nous nous étions rachetés tous les deux, il y a quelque temps de cela. Ce passeport, je l'ai toujours. Quand tu voudras, viens le chercher. » « Je t'aime, toi, tu es un révolté, et je hais les seigneurs. » Savélie avait pris note de cette confidence. Il savait le colporteur, homme de parole, bon pour tromper un juif et vendre un prix fabuleux n'importe quelle marchandise avariée à n'importe quel seigneur assez sot pour la payer, incapable de voler de dessous un paysan de bonne foi. Lorsqu'il avait dit « Je ne serai pas soldat », il pensait au colporteur Antoine Filipitch, mais Fédosia. Devait-elle donc rester à l'attendre jusqu'à ce qu'il pût au ciel de les débarrasser de Bagrianov? Cependant, Savélie était calme, en faisant déborder son âme pleine jusqu'au bord de colère et de mépris. La dernière injustice lui avait apporté un grand sang-froid. Placé dans une situation inextricable, il regardait autour de lui et pesait toutes les circonstances pour attribuer à chacune d'elles une juste valeur. Les hommes du village et surtout les nouveaux conscrits s'étaient réunis autour de lui. On le plaignait beaucoup et on le blâmait davantage. « Tu n'avais pas besoin de le provoquer, » disait-on. « Maintenant que le loup a montré les dents, qui sait qui de nous il va vouloir manger ?» Savélie sentait bien la justesse de ce reproche, mais l'indignation qu'il avait emportée le reprenait au souvenir de la scène du matin. « Comme vous voudrez, » dit-il enfin en se levant. « Je sais que vous avez raison, mais ça a été plus fort que moi. » Ce serait à recommencer que je recommencerais. » En ce moment, le père de Fédosia entra. C'était un homme de haute taille, encore très vert et très vigoureux. Il s'appuyait sur un long bâton de noisetier, plutôt par habitude que par besoin. À son entrée, tous les regards se tournèrent vers lui. Il se dirigea vers sa fille. « Que fais-tu ici ? » lui dit-il. « Rentre chez nous. » « Tu ne peux pas être la femme d'un soldat. Je ne laisserai pas partir mon dernier enfant. Dis adieu à Savelli, il n'est plus ton fiancé. » Féodosia leva vers son père ses yeux bleus baignés de larmes et se prosterna devant lui. « Oh, mon père, mon bienfaiteur, ordonne-moi de mourir, mais ne m'ordonne pas d'abandonner Savelli. » Le vieillard allait répondre quand Savelli, fondant le groupe, s'avança et se prosterna à côté d'elle. « Irémei Antipov, dit-il, tu me l'as donnée. Ne me la reprends pas. J'ai ta bénédiction, tu ne peux plus me la retirer. Bénis encore une fois tes enfants. » La tête des deux fiancés toucha le sol à trois reprises, puis ils se relevèrent ensemble et se tinrent debout devant le père. « J'ai donné ma fille à un paysan, je ne l'ai pas donnée à un soldat, » répondit le vieillard. « Je ne serai pas soldat, je le jure devant Dieu et tous les saints. Donne-moi seulement ta fille. » Le vieillard secoua négativement la tête. « Eh bien, » reprit Savelli devenu très pâle, « attends, pour lui défendre de parler, que le Seigneur m'ait livré. Je te promets de renoncer moi-même à elle si je suis soldat, mais jusque-là, attends, je t'en prie. Vois comme elle pleure. » La pauvre Féodosia pleurait en effet, le visage dans ses deux mains. La longue tresse de ses cheveux épais réunis, suivant la coutume des jeunes filles, en un seul faisceau lié par un large ruban, frémissait sur ses épaules secouées par les sanglots. « Soit, » dit enfin Irémei, « mais si tu es soldat, tu ne l'auras pas. »« C'est entendu, » répondit Savelli. « Père, nous te remercions. » Et les deux fiancés, se tenant par la main, se prosternèrent de nouveau, cette fois avec une ombre de joie dans leur cœur endolori. L'attitude de Savelli avait frappé tout le monde. « Il est bien sûr de son fait, » disait-on. « Il a peut-être de l'argent pour se racheter. »« Il a peut-être un sortilège, » pensaient tout bas quelques-uns. « Ah, le sortilège pour faire mourir le maître, qu'ils l'eussent payé cher aux sorciers qui eût voulu le leur vendre. » La nuit tomba. Les feux s'éteignirent dans les cabanes. Les hommes s'étendirent sur les poêles bien chauffés. Le froid est la seule misère que le paysan russe n'ait jamais connue. Si malheureux qu'il ait pu être, dans les villages où sévit la famine, là même où l'on a trouvé des infortunés morts de faim dans leurs cabanes, le feu n'a jamais manqué, et le poêle n'a pas cessé de répandre la douceur tiède d'une atmosphère de printemps. Le village dormait. Savelli ne dormait pas. La tête pleine des choses du jour, il ruminait son projet de voyage et un autre projet qu'il n'avait communiqué à personne. Celui-ci devint si pressant et prit si bien le dessus sur toutes les autres pensées que le jeune paysan se leva, mit sa pelisse et son bonnet et sortit à pas de loup. Il arriva bientôt à la maison des Irémei et s'approcha d'une fenêtre peu élevée au-dessus du sol, celle où Féodosia se tenait tout le jour penchée sur la merveilleuse broderie des essuie-mains qu'elle préparait pour son mariage. Savelli frappa doucement à la vitre. Au second coup, le petit châssis à guillotine se leva sans bruit et la jolie tête de Féodosia apparut. Elle ne dormait pas non plus. Elle savait bien que personne ne pouvait venir à cette heure, sinon son fiancé. À vrai dire, elle l'attendait. « Féodosia !» dit le jeune homme en se haussant sur la pointe des pieds pour arriver jusqu'aux oreilles de la jeune fille. « J'ai quelque chose à te dire. Dis-le, mon Savelli. Veux-tu partir avec moi ? Je t'épouserai, je le jure devant Dieu qui me jugera. » Le jeune homme fit le signe de la croix. « Mais il faudra peut-être partir avec moi en secret, la nuit, pour que je ne sois pas soldat. Dis, veux-tu ? Oh, Savelli, demande-moi tout, mais pas cela, » fit la jeune fille effrayée. « Partir ainsi, quitter mon père ? Il me refuserait sa bénédiction à son lit de mort. Il dirait que je suis une méchante fille. Non, Savelli. Demande-moi de mourir pour toi. Mais quitter la maison, je ne le peux pas. Je ne le peux pas !» répéta-t-elle avec un sanglot. « Soit, » répondit le jeune homme sans se troubler. « Je pensais bien que tu ne voudrais pas. C'était un bon moyen pourtant, et je n'en vois pas d'autre. Que ferons-nous alors ? » dit Féodosia, dont le cœur battait d'angoisse. Elle retira vivement la tête et écouta dans la chambre. Tout le monde dormait à qui mieux mieux. La tête blonde, à peine couverte d'un mouchoir, reparut sous le châssis retenu par sa main. « Je ne sais pas, » répondit Savelli en hochant la tête, « mais je trouverai un moyen. » « Et si l'on demandait grâce au Seigneur ?» dit timidement Féodosia. « C'est ça qui serait une peine perdue, » fit dédaigneusement Savelli. « Sois tranquille, il n'a jamais fait grâce à personne. Il faudrait un miracle. » Je trouverai autre chose. Bonsoir. Donne-moi un baiser. » La jeune fille avança la tête en dehors, se pencha un peu, et les lèvres des fiancés se rencontrèrent. « Bonne nuit, » répéta Savelli, et il se dirigea vers son isba. Fedosia le regarda s'éloigner. Sa mâle stature, sa démarche assurée se dessinaient sur la blancheur de la neige. La pauvre fille sentait son cœur débordé de tendresse pour le bien-aimé si près de lui être ravi. « Un miracle !» se répétait-elle en se recouchant sur le banc de bois toute frissonnante. « Il dit qu'il faudrait un miracle. Ô sauveur des malheureux, ô mère de Dieu, protégez-moi, inspirez-moi un miracle. Et si Dieu voulait le faire ?» Elle s'endormit. Son sommeil agité, qui ressemblait à la veille, lui fit passer dans les yeux cent visions diverses. Vers le matin, il lui sembla entendre une voix qui murmurait à son oreille. « Va trouver Bagrianov. » Elle s'éveilla en sursaut et regarda autour d'elle. Tout dormait. La lampe des images pétillait faiblement. Elle se leva et alla se prosterner devant la Vierge. Elle resta ainsi longtemps. Son cœur, mu par un désir invincible, lui répétait « Va chez Bagrianov. » « C'est une voix du ciel, » se dit-elle enfin. « Ce serait un péché d'y résister. J'irai demander sa grâce au terrible Seigneur. Je n'en dirai rien à personne. Il m'en empêcherait. Et s'il me refuse ?» pensa-t-elle soudain. « S'il me refuse, ce sera tout juste comme hier, » se dit-elle par manière de consolation. « Savelli trouvera quelque chose puisqu'il l'a promis. » À moitié rassurée par cette grande résolution, elle s'endormit si bien que son père fut obligé de la réveiller au grand jour pour aller chercher l'eau du matin.